Vous écoutez France Culture. Deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée au patrimoine et à son histoire à l'occasion du centenaire de la loi sur les monuments historiques de 1913. Hier, nous nous sommes promenés en compagnie de notre invité, Olivier Mongin, spécialiste de l'urbain, dans le cœur de Paris, en nous posant une juste question. Est-ce qu'il y a un rapport, un juste rapport, entre conservation du patrimoine et invention urbaine? Demain, dans l'émission d'archives, nous nous promènerons dans un autre lieu, le lieu par excellence de l'étude des archives, à savoir l'école des Chartres. Et jeudi, dans le débat, nous débattrons de la loi de 1913 sur les monuments historiques et de son importance dans le siècle qui a suivi. Et aujourd'hui, le documentaire est signé Séverine Yatar et Anne Fleury. Il se pose une seule question, pourquoi est-ce dans les années 70 qu'est née la notion de patrimoine industriel? Quand l'industrie devient objet de patrimoine, c'est le documentaire d'aujourd'hui jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, en compagnie de Louis Bergeron, de Claudine Cartier, d'André Desvallées, de Denis Voronoff, de Dominique Ferriot, de Yannick Lechard Bonnier, de Jean-François Bellost et de Bernard Reichen. Par exemple, on n'a plus d'ensemble de tissage. Quand l'écomusée de fourmis s'est créé, il n'y avait plus une seule machine. Alors que la destination qui s'était donnée, c'était de travailler sur le patrimoine textile et la vie des tisserands. Et il a fallu racheter sur le marché quelques machines venant d'ailleurs pour les installer dans le siège de l'écomusée. Bon, pour bien reconnaître, c'est pas toujours facile de garder tout ça, mais garder les choses les plus significatives dans chaque discipline, dans chaque matière. Une soufflerie de haut fourneau, ça ne dit pas grand-chose si le haut fourneau n'est pas avec. Évidemment, ça fait passer l'air, mais bon... Ça pourrait servir à souffler autre chose. Tandis que, à partir du moment où on a gardé un haut fourneau, ça valait la peine de se battre parce que c'est quand même significatif, au moins, d'un siècle d'existence. Mais on a très peu, des hauts fourneaux d'origine, du 18e, très peu. Même en Angleterre, en Grande-Bretagne, où ils ont été en avance sur nous pour le patrimoine industriel, c'est tout à fait par hasard qu'un jour on a retrouvé une machine de Newcomen, le premier inventeur de la machine à vapeur, dans les mauvaises herbes, tout ça, dans ce qui était devenu un champ. Quand l'industrie devient objet de patrimoine. Oui, je vous disais qu'il se passait quelque chose d'assez étonnant dans la région de Nancy, puisqu'un haut fourneau venait d'être classé monument historique. Colette Navelle ? Oui, en effet, quelques difficultés, ça y est, maintenant je vous entends. Il s'agit d'un haut fourneau qui se trouve à Cons-la-Grandville, c'est en Lorraine, c'est dans le nord du département de la Meurthe-et-Moselle. Monsieur le maire, ce classement du haut fourneau de Cons-la-Grandville, qu'en attendez-vous ? C'est la première fois qu'un haut fourneau est classé en France, je crois. Bien, les habitants attendaient tout de même cette décision avec impatience, parce que... C'est une vieille chose, ce haut fourneau, et il mérite d'être tout de même consolidé et protégé. Parce qu'il y a pas mal de vandales dans la région qui détachent des pierres de taille, des briques, pour les emporter, en faire des murs ou des baraques à lapins. Alors il était temps que ce haut fourneau soit classé et surveillé. Vous savez qu'en France, on n'allait plus extraire de charbon. On a mis en place deux grandes opérations, dans le Nord-Pas-de-Calais et en Lorraine, pour l'inventaire systématique du patrimoine minier. Alors, une anecdote, j'étais sur le terrain, accompagné de l'inspecteur des monuments historiques, qui à l'époque était Max Polonowski. On fait toute une tournée avec le chercheur patrimoine industriel, qui avait sélectionné un certain nombre de sites, et on voit les entreprises de démolition qui avaient déjà mis des filins près du chevalement et qui allaient le démonter. Alors, on arrive, on dit « Attendez, on cesse tout ». On a eu beaucoup de chance, c'était un vendredi, il devait être dans les 16h, 16h30. Ils ont dit « Oh là là, la petite dame de Paris, là on la sent pas très bien, elle va nous faire des ennuis ». Donc attend. Ils ont tout arrêté. Et de là, j'ai téléphoné, à Christian du Pavillon, directeur du patrimoine à l'époque, qui a pris immédiatement une instance de classement. Et le lundi matin, instance de classement, on ne pouvait plus rien démolir. Ce sont... les houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais de l'époque, qui étaient responsables de l'ensemble de ces sites et qui voulaient entreprendre la démolition. Mais il n'y avait pas de protection, donc ils avaient parfaitement le droit. C'est à la fin des années 1970 que l'archéologie industrielle apparaît en France, au moment où les usines textiles et métallurgiques commencent à fermer les unes après les autres. Face à ce qui devient rapidement un traumatisme social, il est décidé dans un premier temps de raser ces sites, pensant que par l'oubli viendra la guérison. Dans le même temps, le domaine suscite l'intérêt des sciences sociales, comme l'ethnologie avec la création des écomusées, mais aussi l'histoire des sciences et des techniques. Maurice Domas, puis Louis Bergeron, avec certains de leurs étudiants, créent une association, le CILAC, Comité d'information et de liaison pour l'archéologie, l'étude et la mise en valeur du patrimoine industriel. Association qui se donne pour objectif d'étudier l'ensemble des traces matérielles et immatérielles de ce patrimoine et de justifier ainsi sa protection. Il s'agit alors de considérer cet héritage intégré dans une chaîne patrimoniale, un site, une architecture, des machines, des productions, mais aussi des rapports sociaux et des modes de vie. Les animateurs du CILAC publient leurs travaux de recherche, créent des liens avec les historiens et les érudits locaux et alertent les pouvoirs publics. Dans les services de l'inventaire, une première équipe commence à travailler au recensement de ce patrimoine, en lien avec les services de l'inventaire en région. En 1983, une cellule du patrimoine industriel est même créée. Des sites miniers, des hauts fourneaux, des fours à chaux ou des chocolateries sont classés monuments historiques avec le même soin que des châteaux forts, des églises médiévales ou des salines royales. Parallèlement, ces friches industrielles deviennent des réserves d'aménagement urbain. Des usines désaffectées sont par exemple transformées en logements sociaux, crèches, bibliothèques ou bureaux. Denis Voronoff. Brusquement, on s'est dit, mais nos maîtres illustres étudiaient une industrie comme si elle flottait dans l'intemporel et dans un espace mal défini, alors que c'est d'abord un lieu, c'est d'abord des espaces, c'est la coordination de ces espaces, c'est les matériaux, c'est la volonté de dire à travers l'architecture de l'industrie. Et donc, on s'est dit qu'on avait quelque chose à apprendre et peut-être à apporter, puisqu'on arrivait dans un milieu où il y avait aussi des muséographes et des historiens de l'architecture, disons, ou des scientifiques, physiciens et chimistes, en apportant une histoire sociale et une histoire technique en même temps. Donc il y avait cette idée de combiner une démarche ordinaire et bien fondée d'histoire de l'industrie, c'est-à-dire des entreprises, des techniques, des acteurs, classe ouvrière et prolétariat d'usines et patrons, dans un espace, disons, qui soit mieux fondé, mieux compris, parce qu'il déterminait en partie le travail et la réussite de l'usine. Mais je me souviens très bien au CNRS où je siégeais dans la commission, s'intéresser au patrimoine industriel, c'était bizarre pour mes maîtres, disons, qui siégeaient dans les mêmes commissions. Il a fallu qu'on convainque. Alors Bergeron, là, évidemment, a été tout à fait épatant parce qu'il avait l'autorité scientifique que nous autres, nous n'avions pas encore, convaincre qu'il y avait un vrai enjeu et qu'il ne fallait pas laisser passer cette thématique. Pour moi, ça a été un prolongement et un élargissement, non pas du tout une mutation. Louis Bergeron. Mais j'y ai été poussé par mes propres élèves, parce que Serge Chassagne ou Denis Voronoff, puis très vite Dominique Ferriot, m'ont poussé à élargir mon enseignement dans mes séminaires de l'École des hautes études de l'histoire économique et sociale de l'industrialisation à la pratique de l'archéologie industrielle. Je me suis mis à lire, à voyager, à m'informer en France et très rapidement après à l'étranger, dans le prolongement de ce séminaire et dans le prolongement de mes orientations plus anciennes. Donc pour moi, c'est devenu absolument indispensable, parce que faire de l'histoire de l'industrialisation et faire de l'archéologie industrielle ou militer en faveur de tel ou tel site méritant de devenir un patrimoine local ou national dans quelque pays que ce soit, de l'industrie. Pour moi, ça ne fait qu'un. Louis Bergeron, est-ce qu'on peut quand même évoquer justement le Maurice Domas ? Tout à fait. Le patrimoine est quelque chose qui ne peut se définir, se défendre, se conserver, se valoriser, se faire fructifier, qu'à condition d'être appuyé sur une arrière-garde et sur une armée de renfort qui est celle des chercheurs. Donc, en parlant de Maurice Domas, on parle en effet du premier historien, un historien des techniques, qui a pris intérêt, pratiqué lui-même et commencé à vulgariser par des publications de haut niveau la notion de l'archéologie industrielle. Et il est donc incontestablement je ne dirais pas un père, mais un aïeul presque fondateur, l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'archéologie industrielle en France » et qui a été fondateur. Bonjour Dominique Ferriot, donc nous sommes au Conservatoire des Arts et Métiers et ça a un rapport évidemment avec la question et la problématique du patrimoine industriel. Oui, alors nous sommes effectivement ici au Conservatoire National des Arts et Métiers et le Centre de Documentation d'Histoire des Techniques, qui à l'époque était dirigé par Maurice Domas, historien des techniques, et par Jacques Payen, tous deux malheureusement disparus aujourd'hui, a été l'un des membres fondateurs importants de cette association dont j'ai été la première secrétaire générale bénévole et militante, qui existe toujours et qui s'appelle le CILAC, Comité d'information et de liaison pour l'archéologie industrielle. Les autres membres fondateurs de cette association étaient notamment l'écomusée de la communauté Le Creusot-Montceau-les-Mines, donc Le Creusot, région pionnière en termes d'études et d'inventaires de ce qu'on a appelé en 1976, au moment d'un colloque important, le patrimoine industriel. Et j'étais à l'époque donc adjointe au directeur de l'écomusée qui a été fondée par quelqu'un qui s'appelle Marcel Évrard, qui avait aussi beaucoup travaillé avec Georges-Henri Rivière, bien sûr, le créateur notamment du Musée national des arts et traditions populaires. Mais Marcel Évrard était entouré notamment de beaucoup d'artistes qui, dès cette époque, projetaient, disons, un regard nouveau sur les formes et le patrimoine industriel. Donc, si vous voulez, au Creusot, paradoxalement, l'intérêt pour le patrimoine industriel est venu d'abord de regards extérieurs, et notamment de regards de créateurs ou d'artistes qui se sont intéressés à des bâtiments ou à des outillages ou à des processus qui, d'une certaine façon, étaient en train de disparaître, mais qu'on pouvait aussi voir sous différents axes. Marcel Évrard, en septembre 1976, lors du colloque au Creusot, consacré à la sauvegarde du patrimoine industriel. Il s'agit non pas de tout conserver, ce serait une absurdité. Il ne s'agit pas de mettre en vitrine des pays entiers, des usines immenses et d'immenses machines. Il s'agit là aussi, comme on le fait avec les sociétés plus anciennes, d'exercer un choix, de recueillir des spécimens représentatifs et non pas seulement la quantité immense. Il faut faire donc des collectes programmées, des actions thématiques programmées autour de certains sujets qui retiennent davantage l'attention dans le matériel. Alors, on a dit également, et c'est un des résultats de la discussion de ce matin, qu'il ne s'agissait pas seulement d'un patrimoine matériel, mais aussi d'un patrimoine mental, qu'il était important de placer ces machines, ces usines, ces sites, plus ou moins désaffectés ou encore vivants, dans un contexte de société vivante, qu'il fallait davantage relier à la société, à la culture, ce matériel qui, sans cela, risquerait de perdre sa profonde signification. Alors précisément, est-ce que sur le plan sociologique, vous pensez que le monde industriel du 19e siècle, par exemple, peut encore servir d'exemple aujourd'hui ? Bien, il peut servir naturellement d'exemple, de même qu'il y a du patrimoine industriel, du patrimoine historique et du patrimoine vivant. Dans les sociétés plus anciennes, il faut s'en occuper aussi. Mais ce qui a été dit particulièrement d'important, qu'on n'attende pas que les références soient mortes pour les saisir, parce que c'est quand elles sont vivantes que l'on peut encore les saisir davantage dans leur force, dans leur globalité. Dominique Ferriot. Donc, autre membre fondateur de cette association, le CILAC, une association qui s'appelle toujours Histoire matérielle de la civilisation industrielle, et qui regroupait essentiellement des historiens, mais des historiens notamment engagés dans la mémoire ouvrière, enfin les études sur le mouvement social. Et je pense en particulier à ces trois grandes femmes historiques, enfin dans cette association, que sont Michel Perrault, Madeleine Rébériot, Rolande Trempé. Donc ces historiens assez nombreux et très motivés par une étude de terrain, Hein, comme disait Maurice Domas, pour être un bon archéologue industriel, il faut avoir un œil attentif et une bonne paire de chaussures. Donc ne pas travailler uniquement sur des documents en archives, mais regarder l'espace, les territoires, le lieu dans lequel s'inscrivent les bâtiments, les outillages, les histoires de vie. Alors, autre membre fondateur encore, l'École des études en sciences sociales, et notamment le Centre de recherche historique, à l'époque, dans ces années-là, dirigé par Joseph Goy, puis par Roger Chartier. Chartier, qui est aujourd'hui plutôt connu pour ses travaux sur l'écrit et sur les textes, s'était beaucoup impliqué dans ces études, et c'était vraiment quelque chose de tout à fait significatif. Alors, dernier membre fondateur, et c'est quand même important aussi, l'Institut de l'entreprise. Alors, l'Institut de l'entreprise, c'était le centre de réflexion du CNPF à l'époque. Et les entreprises, c'est très important parce que c'est à elles le patrimoine, finalement, la plupart du temps. Donc, il fallait vraiment les mobiliser pour qu'elles se sentent concernées par la préservation de ce patrimoine. Il y a eu aussi un renfort d'un nombre limité de représentants importants de l'industrie d'aujourd'hui qui ont favorisé la prise de conscience des pouvoirs publics. Je pense en particulier au rôle joué par Maurice Hamon, qui est devenu aujourd'hui directeur général de Saint-Gobain, mais qui travaille avec Saint-Gobain depuis les années 1970 et qui est devenu l'artisan de la création d'un magnifique dépôt d'archives de sa propre entreprise, Saint-Gobain, et de Pont-à-Mousson, absorbé plus tard, cas rare, mais cas éminent, puisque cela venait d'une des premières entreprises du panorama industriel de la France vivante actuelle. Mais ce qui a été absolument décisif, ça a été le CILAC, la fondation en 1978-79, il y a diverses étapes, par les premiers sympathisants du patrimoine industriel en France, d'une association qui s'est donnée tout de suite pour but de devenir le point de rassemblement des forces de tous ceux qui, en France, sur des sites industriels allant de la fin de l'Ancien Régime jusqu'au XXe, pratiquaient déjà la protection de leur patrimoine industriel, même si on ne l'appelait pas encore comme ça. C'était la protection de leur héritage, quoi. En 1980, l'année du patrimoine témoigne de sensibilités nouvelles en direction du patrimoine rural, technique et industriel. À la télévision, Chef-d'œuvre en péril consacre d'ailleurs cette même année une émission complète au patrimoine industriel. Si la destruction se poursuit au rythme actuel, il y aura bientôt moins de vestiges en France de l'âge industriel que de l'époque gallo-romaine. En fait, il semble bien que les industriels français, préoccupés uniquement de rentabilité, soient étrangement fermés à ces préoccupations et oublient de conserver les machines qui n'ont plus d'usage. Ainsi, la petite usine de Nant-sous-Sainte-Anne, dans le Jura, a manqué disparaître récemment et n'a dû son salut qu'à un amateur passionné, ainsi que nous le confirme Jean Tercieux. C'était une fabrique de faux qui était réputée dans toute la France. Et qui en fabriquait combien par an ? Elle a fabriqué jusqu'à 25 000 faux par an avant les années 14. Et pourquoi a-t-elle été obligée de fermer ses portes ? Eh bien, lorsque l'aîné des Philibert, Léonard Philibert, qui était le patron, est décédé, c'était lui le gestionnaire et également il avait le secret de la trempe. Et à ce moment-là, sans lui, la forge n'a pas pu continuer à fonctionner. Alors, elle a manqué de disparaître. Elle a été en très grand péril. C'est exact. Elle a manqué de disparaître. Car au moment où elle s'est vendue, certaines personnes, certains acquéreurs, voulaient la transformer en bergerie. Alors, c'est là que vous êtes intervenu. C'est là que nous sommes intervenus. C'est exact. Mon beau-frère, M. Fray Burgère, qui était un amoureux des vieilles machines, a été fortement attiré par cette forge et l'a achetée. Bon. Et alors, vous la restaurez maintenant? Eh bien, elle est en pleine restauration pour l'instant, grâce à l'aide justement de mon beau-frère, M. Fray Burgère, et des affaires culturelles. Yannick Le Cherbonnier, vous avez commencé dans les années 80 à vous intéresser au patrimoine industriel. Alors, dans quel contexte ? Alors, en réalité, le début de mes travaux sur le patrimoine industriel, j'ai envie de dire que c'était un peu alimentaire. J'étais étudiant à l'université de Caen à ce moment-là, en thèse. Il y a eu une occasion de d'avoir des vacations sur un thème que je ne connaissais pas, parce que je suis médiéviste en réalité, donc de travailler plutôt sur le patrimoine industriel contemporain. Et dès 1980, à l'initiative de la Direction régionale des affaires culturelles et de l'université, s'est créée une association Histoire et patrimoine industriel en Basse-Normandie, qui s'était donnée pour mission d'étudier le patrimoine industriel régional. L'association avait souhaité s'intéresser au rapport entre industrie et énergie hydraulique. Donc on a été invité à étudier les établissements industriels installés le long de trois rivières des trois départements bas-normands. Donc l'objectif, c'était de faire de la collecte documentaire aux archives départementales, dans les bibliothèques. C'est quelque chose d'assez classique pour les chercheurs. Je suis quand même d'abord historien pur. Donc un inventaire à partir du dépouillement du cadastre napoléonien pour bien identifier les édifices par commune, les règlements d'eau des ingénieurs des services hydrauliques. Et puis dans un deuxième temps, donc déplacement sur chacune des communes étudiées, avec les cartes IGN, très importantes pour localiser les lieux, avec les plans cadastraux. Et là, c'est la confrontation entre ce que nous ont dit les archives sur des périodes de construction, de datation et d'activité, et ce que nous offre le terrain, ce qui va permettre de voir si les bâtiments ont été modifiés et si l'activité est toujours celle qu'on a pu identifier à partir des archives. Un premier souvenir, Yannick Le Charbonnier. Alors le premier souvenir, c'est les découvertes des moulins le long de la vallée de la Risle, c'est-à-dire des bâtiments qui n'étaient plus en activité depuis longtemps, assez souvent depuis la fin du 19e ou la première moitié du 20e siècle. Pour certains d'entre eux qui étaient reconvertis en maisons d'habitation, mais pour beaucoup d'autres qui étaient désaffectés, envahis par la végétation, voire quelquefois réduits à quelques pans de mur. Donc il faut reconstituer l'organisation du site à partir des quelques bribes de plans qu'on peut avoir, mais à partir surtout d'une observation très fine de terrain, à partir des canaux, des cours d'eau, de l'emplacement de la roue hydraulique, c'est encore lisible sur le bâtiment, et puis de comprendre aussi avec le bâtiment quel type de mouture on a pu mettre en œuvre, combien il y avait de meules, enfin des questions très, très techniques en fait. Alors, par où commencer ? Je suis venu en effet avec un grand lot de photos. On s'aperçoit en fait qu'il y a différents types de moulins. Celui qu'on est en train de regarder tout de suite, qui est à Saint-Loyer-les-Deschamps, est un moulin attesté au XVIIIe siècle, enfin au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Et il est typique de ce qu'on appelle la technique de mouture à la grosse, qui est un outillage somme toute assez simple, une ou deux paires de meules, un appareil qu'on appelle la bluterie pour tamiser la farine, et puis c'est tout. C'est une production qui est une production très, très locale en réalité, et d'assez moyenne qualité, parce qu'on n'écrase pas complètement bien les grains, le tamisage n'est pas un tamisage très fin. Ces moulins-là, on peut les appréhender facilement, la technique de mouture, au vu du bâtiment. Un bâtiment peut développer sur un simple rez-de-chaussée, avec à côté le logement du meunier, c'est tout à fait représentatif des moulins de l'époque moderne, voire même de l'époque médiévale en tout cas. Alors après, quand on... Et vous l'avez découvert, dans quel état vous le découvrez, par exemple, ce moulin de Tercet ? Dans l'état où vous l'avez sous les yeux, c'était donc une résidence secondaire, en fait, plutôt bien entretenue. Les propriétaires avaient conservé à l'intérieur la paire de meules et une partie des mécanismes. Alors, deuxième type de moulin, on est là sur un édifice plus important qui se dresse sur quatre niveaux. Et on est sur une technique de mouture beaucoup plus élaborée qu'on a appelée la mouture à l'anglaise. Donc on a tout en haut le stockage des sacs de blé. À l'étage en dessous, on a des paires de meules. On continue à écraser avec des meules. Mais on installe aussi très vite un nouvel équipement qui sont des broyeurs à cylindres et qui vont permettre d'avoir une mouture, d'une part en plus grande quantité, mais aussi une mouture beaucoup plus fine, beaucoup plus élaborée. Et puis, à l'étage médian, on a ce qu'on appelle des plans sichteurs, ces machines qui ont remplacé les bluteries traditionnelles que j'ai évoquées tout à l'heure, qui servent à tamiser la farine qui vient d'être moulue et à séparer la farine des gros sons. On va récupérer ce qui a été mal écrasé et on va le remoudre une seconde fois, voire même une troisième fois. Donc on tire en fait du grain la plus grande quantité de farine avec ce procédé. Donc on a une activité qui se décline de haut en bas. Et sur le terrain, aujourd'hui, lorsqu'on voit un bâtiment de ce type sur 3 niveaux, 4 niveaux, on peut déjà expliquer l'activité qui s'y est exercée et les techniques qui ont été mises en œuvre. Donc il y a un rapport entre l'architecture du bâtiment et la technologie qui s'est exercée dans ce bâtiment. On a vraiment l'impression d'être dans une histoire appliquée. Oui, tout à fait. C'est un moyen de découvrir une part d'histoire de l'activité industrielle à travers l'enquête de terrain et la lecture architecturale d'un bâtiment. C'est une forme d'archéologie du bâti, comme aiment à dire les archéologues. Je vois l'époque de Niveau Renov, vous êtes en cours de thèse, oui. C'est ça? Vous allez sur le terrain, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Ce que j'ai fait directement, personnellement, avec quelques collègues, c'était pas une grande entreprise, mais c'est un immense lieu de notoriété, c'est les forges de Buffon, qui étaient en mauvais état, disons, les propriétaires ne parvenant pas à assurer le maintien en l'état des bâtiments. Et on a à la fois essayé de sauver les meubles, si je puis dire, et l'immeuble, tout en essayant de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, dans quelles conditions et pourquoi il y avait des différences d'altitude entre le fourneau, etc. Quel était le cheminement, disons, l'idée des flux de matière, flux d'énergie, des hommes. Et finalement, il y a eu une confluence de disciplines, puisqu'il y avait à un moment donné à la fois des historiens académiques comme Louis Bergeron, Chassagne, moi et quelques autres, des architectes, des historiens d'art reconvertis, mais gardant leur regard, disons, sur les décors, des techniciens, technologues très pointus, puis bien sûr des muséologues qui avait déjà l'idée de ce qu'on pouvait faire ensuite de ces bâtiments, ou comment les valoriser. C'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé sur le plan humain même. C'est-à-dire que, bon, quand on est au CNRS et qu'on fait une recherche sur archives, on n'a pas le sentiment de rencontrer les contemporains. Mais là, si, parce qu'il y avait parfois des entreprises qui étaient en train de s'arrêter ou qui auraient pu sauver tel ou tel bâtiment ou tel et tel emplacement. Et on essayait d'être à la fois de faire d'histoire appliquée, finalement. Parce qu'il fallait passer des accords, convaincre le patron de telle entreprise qu'il fallait peut-être ne pas tout raser ou au moins faire une couverture photo avant de raser, puis savoir si le maire de la localité était d'accord pour mettre de l'argent dans une opération dont il ne voyait pas trop le résultat. Et je n'ai pas été au front autant que mes collègues dans ces affaires-là, mais j'ai compris et j'ai apprécié d'être ainsi à la fois historien au sens le plus rigoureux du terme et en même temps un peu agitateur, disons, ou militant sur le terrain, ce qui est même la définition de l'archéologie industrielle dans tous les pays où ça marche. Il faut de l'enthousiasme, sinon on n'aboutit à rien. Jean-François Bellost. Tout d'un coup, donc, l'intérêt pour le patrimoine industriel est né. Et il s'est trouvé que le ministère de la Culture aussi, dans son service de l'inventaire général, s'est intéressé à ce champ patrimonial. Ça précède 81 ou... C'est en 81, mais ça précède mai 81. L'arrivée de la gauche au pouvoir. C'est juste avant. Et en fait, suite à l'année du patrimoine, les gens à l'intérieur de l'inventaire général, ayant pris conscience de l'intérêt de ce patrimoine qu'ils avaient rencontré sur le terrain, je pense en particulier à Françoise Amon en Bretagne, qui avait fait tout un travail sur les anciennes forges, ils ont cherché à le prendre en compte avec des méthodes un peu spécifiques. Et il y a eu une mission qui a été mise en place, et Louis Bergeron a eu la bonne idée, au moment où il cherchait quelqu'un, de dire « il se trouve qu'il y a un auditeur et ami de mon séminaire, et ingénieur de formation, et peut-être qu'il fera affaire ». Et puis j'y suis resté 20 ans. Alors quand vous dites chargé de mission, Jean-François Bellos, vous rencontrez ces sites, vous réfléchissez avec des collègues ou avec des correspondants régionaux, comment ça se passe concrètement ? Mais l'essentiel, ça a surtout été de discuter avec les chercheurs déjà en place, historiens d'art, historiens économiques, pour voir de quelle façon on pouvait intégrer cette dimension patrimoniale nouvelle aux méthodes traditionnelles de l'inventaire général. Et là, je dois dire, ça a été pour moi une révélation, je ne le dirai jamais assez. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que les historiens d'art soient des gens avec lesquels je ne pouvais pas communiquer, qui étaient sur une autre planète. Et en fait, ce sont devenus des amis parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient une approche très comparable de terrain. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris à regarder les sites, à regarder certes des vieilles églises, des vieux châteaux, mais aussi des usines de la même façon. Donc, ces chercheurs étaient des gens installés en région, hein. Donc ils allaient sur le terrain avec un photographe, canton par canton, pour systématiquement inventorier. Dans la foulée de l'intérêt que tout le monde tout d'un coup découvrait pour le patrimoine, au niveau des collectivités locales notamment, le CAS crée d'abord la mission du patrimoine géologique, et ensuite une ligne qui m'était destinée à la direction du Musée de France, qui s'appelait secteur expérimental, dont le premier objectif était d'aider au développement des écomusées. Et pourtant, André Desvallées, il y a quand même une différence entre justement les musées, qui soient techniques, industriels, et cette question de patrimonialiser des sites, des bâtiments. Oui. Mais encore fallait-il déjà faire reconnaître la matière. C'était très difficile au début des années 70 de faire accepter des bâtiments. Alors il y avait quoi ? Il y avait Arc-et-Semant, les salines qui avaient été construites par Ledoux, mais uniquement à cause des bâtiments, par rapport aux bâtiments et pas du tout par rapport à leur fonction. C'était le côté architecture. Et encore moins le sel qui avait été à l'origine du projet. C'était le côté esthétique. Mais il y avait très peu de bâtiments qui étaient protégés. Dans le Nord, on a quand même envisagé assez vite de conserver des terrils à Denain, et je crois que la chose a perduré. Mais au début, personne ne voulait entendre parler de conserver des tas de charbon. Hein. Jean-François Bellost, alors vous dites qu'à ce moment-là, déjà, il y a vraiment une ouverture de l'inventaire. Il y avait aussi des réticences au préalable, c'est-à-dire c'était la notion esthétique qui prédominait ou pas ? Ça a été la bonne surprise, c'est-à-dire que précisément, il n'y avait pas de réticence au sein de l'inventaire général. C'est ce que j'imaginais, moi. Dans le milieu de l'histoire de l'art, universitaire, académique, peut-être dans les monuments historiques, on pouvait avoir cette notion très esthétisante du patrimoine. Au sein de l'inventaire général, non. Parce que les gens de l'inventaire général étaient habitués à aller sur le terrain et de rencontrer toutes sortes de bâtiments, d'objets. Et donc le patrimoine industriel, pour eux, presque naturellement, avait une valeur de patrimoine. Et les gens de l'inventaire général ne cherchent pas l'aspect esthétique. Ça voudrait dire, par exemple, si on parle des grandes forges du XVIIe ou du XVIIIe, ne s'intéresser qu'aux maisons de maître et laisser les maisons ouvrières ou bien le monument technique. Eh bien, non, c'était pas du tout l'approche. Vous savez, l'inventaire général, c'est de la petite cuillère à la cathédrale, donc éventuellement en passant par les usines ou les machines. Parce que là, c'est vrai, Jean-François Bellost, on parle des forges, bon, c'est du XVIIe, du XVIIIe siècle, donc ça, il y avait déjà une reconnaissance quand même de l'architecture de ces époques-là, mais quand vont venir les fermetures d'usines de la fin des années 70, qui sont plutôt des architectures 19e voire 20e siècle, est-ce que là, il y a cette même, justement, osmose et cette même acceptation par rapport à la patrimonialisation ? D'accord, vous avez raison. Le patrimoine du 19e siècle est en train d'être reconnu. Donc on n'a pas trop de problèmes avec les usines du 19e siècle. Les problèmes qu'on peut avoir, c'est comment aborder sa description et définir son intérêt. Le 20e est plus difficile, ça c'est vrai. Et lorsqu'on est confronté à des usines qui ferment, on a d'abord une difficulté simplement à pouvoir y pénétrer parce que, évidemment, les gens qui travaillaient et sont en train de plus pouvoir travailler, ont tendance à dire on ne veut pas être transformé en objet de musée. Vous contribuez en quelque sorte à la fermeture et en envisageant déjà un passé mort. Point de vue qui était partagé par pratiquement tout le monde, hein, des gens qui travaillaient, des ouvriers, des cadres jusqu'à la direction. Hein, c'était pas vraiment toujours positif. Et puis après, bah, qu'en faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ces objets énormes? Eh bien non, il y a les méthodes, disons, de traitement du patrimoine en général, qu'il soit industriel ou autre, s'y prêtent. Je veux dire, on regarde un objet patrimonial, matériel, un peu quand même, d'une certaine manière, de la même façon. Une cathédrale et une usine pétrochimique, ça se ressemble d'une certaine manière, aussi bizarre que ça puisse paraître, en tout cas du point de vue des gens de l'inventaire. Yannick Le Cherbonnier. L'inventaire, naturellement, prend également en compte l'étude de bâtiments encore en activité. Donc on a l'exemple d'une biscuiterie à Lonlay-l'Abbaye. Alors, voilà le document. Donc c'est une usine qui a été créée en 1972. Et son architecture extérieure n'inspire pas vraiment beaucoup de commentaires. C'est un bâtiment d'une banalité remarquable, en rez-de-chaussée, en tôle, plutôt un peu, en tôle, on dirait, voilà. Oui. Ce qui était plus intéressant, c'était l'accès à l'intérieur du bâtiment, les contacts, je le disais tout à l'heure, avec l'industriel qui a accepté le principe d'une campagne photographique très, très précise sur le site, depuis la fabrication de la pâte jusqu'à la mise en boîte des biscuits. On suit l'ensemble du processus. Là, on a des rouleaux d'impression, c'est assez... Ici, des rouleaux d'impression, en effet, pour marquer les biscuits. Une belle collection de rouleaux. Et puis, on voit après le four et les biscuits qui sortent du four avant d'être empaquetés. Donc là, on est sur une approche très, très technique, mais une approche de savoir-faire. On se rapproche aussi un peu d'une démarche ethnologique. Et du coup, vous procédez à des enquêtes orales, justement, avec les travailleurs sur le site même, ou vous confiez ça, par exemple, à des ethnologues? Comment ça se passe? On réalise effectivement des entretiens auprès des personnes qui travaillent, mais on peut aussi s'adjoindre la participation d'un ethnologue. Alors, on a cette chance en Basse-Normandie d'avoir un centre régional de culture ethnologique et technique qui peut nous prêter assistance pour mener des entretiens auprès d'entreprises en activité. Une entreprise qui s'arrête, en général, c'est pas volontairement, hein. Il y a quand même un travail de deuil. Denis Voronoff. On était très mal vus de ceux qui disaient, alors maintenant c'est le croque-mort qui arrive sous bénéfice d'avoir le soutien du gouvernement ou de la direction du patrimoine. C'était un peu indécent à la limite, fallait faire très attention. Et puis, au bout d'un certain moment, un an, deux ans, pendant lesquels rien ne se fait, rien ne peut se faire, il y a une prise de conscience qu'il faut au moins sauver l'honneur et le travail qui a produit l'usine. Et à ce moment-là, je constatais que c'était plutôt des cadres syndicaux. Et ceux qui restent, à Le Ward, puisqu'il y a encore deux ans, je crois, l'essentiel des visites était assuré par des anciens mineurs. Ce que sans avoir fait d'enquête, je pressens, ou je sais, selon les cas, que c'était des syndicalistes qui donc continuaient, si vous voulez, la défense et illustration de l'honneur de leur métier. Et c'est comme ça que les choses pouvaient tourner bien. 1980. Mais l'exemple le plus spectaculaire de restauration industrielle que l'on puisse donner en France est celui de Guérigny dans la Nièvre. Ces anciennes forges royales, spécialisés durant tout le 19e siècle dans la construction de matériel naval, avaient dû fermer leurs portes en 1971. Cinq ans plus tard, tous les habitants de Guérigny, à la tête desquels se trouvait Raymond Collat, décidaient de les faire revivre. Chaque dimanche, les habitants de Guérigny, parmi lesquels on trouve beaucoup d'ouvriers, viennent sur le chantier pour repeindre le matériel conservé à force d'ingéniosité et pour refaire les toitures des ateliers. Les bâtiments de cette ancienne usine qui était condamnée à disparaître ressuscitent. Cette usine a été l'une des plus importantes d'Europe au XVIIIe siècle. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle fabriquait essentiellement des câbles d'amarrage, des chaînes et des ancres pour les navires de guerre. Cela ne vous a pas empêché de vouloir créer un musée? Eh bien, précisément non, parce que d'abord les bâtiments ont beaucoup d'allure, ce sont les bâtiments des XVIIIe et XIXe siècles. Et puis c'est un peu le témoignage de l'effort des hommes dans ce pays du Nivernais. Les gens ici comprennent que vous ayez fait ça? Oui. Au début, ils étaient réticents, encore traumatisés par cette fermeture d'usine. Et puis maintenant, surtout depuis le transfert du marteau-pilon et de la grue que vous avez pu voir, ça devient presque une attraction. Et alors, chaque été, nous organisons une exposition qui dure 2 mois. Et pour vous donner un chiffre, l'année dernière, sur le juillet et août, nous avons eu 3500 visiteurs. Le rôle des écomusées est important. De notre point de vue, il ne fallait pas confondre, disons, la démarche d'écomusée et celle d'un musée technique ou celle d'un musée d'industrie. Parce que il y avait toute une série d'éléments, disons, qu'on voyait bien dans la structure même de l'écomusée du Creusot, avec les usagers, il y avait 36 collèges qui ont un peu compliqué la vie ensuite de mes collègues et amis là-bas. C'était une démarche globale, disons, où toute la collectivité se reconnaissait et participait à la valorisation. C'était un peu en boucle. Et la valorisation d'un établissement industriel finissant et dont une partie au moins devenait musée, n'avait pas la même ambition. C'était de rendre compréhensible le bâtiment dans lequel étaient encore quelques machines ou des outils ou des produits. Mais on a cheminé ensemble, bien sûr, et d'autant qu'on n'était pas des centaines et que c'était, du point de vue des jeunes écomusées, aussi un élément à ajouter à leur panoplie. Ce n'est pas par la multiplication des musées qu'on va développer l'audience et la culture du patrimoine de l'industrie. Oui, c'est grâce à des types de communication muséologique et de structuration de nouveaux types de tourisme ou de recherche. Ça, je pense que c'est absolument fondamental. Dans une ville comme Roubaix, par exemple, ou bien comme Manchester, ou bien comme Lodz en Pologne, ou comme Chemnitz en Allemagne, il pourrait exister de véritables parcs industriels urbains. La notion de parc urbain est tout à fait cohérente, en sens qu'elle évoque à la fois quelque chose de ludique, pourquoi pas, mais en même temps quelque chose qui reste solidaire d'une réalité économique aux implantations multiples sur un territoire groupé. Ce qui se passe au début, Claudine Cartier, c'est que sont classifiés ou sont dits protégés une partie seulement du site, par exemple, ou un bâtiment du site. Ça peut être un porche, ça peut être juste le haut fourneau, mais pas le site dans son entièreté. Oui, alors ça, c'est une vision très française. C'est-à-dire que la tradition française de la protection des monuments historiques, c'est, comme son nom l'indique, c'est un monument. Alors que nous, on souhaitait, pour certains sites importants, protéger l'ensemble, y compris les machines qui étaient évidemment à l'intérieur. Alors, un exemple important de site qui a été protégé dans sa totalité, c'est le site du fin ministère de Guise. Et si ça n'avait pas été protégé dans sa globalité, comme ça, aujourd'hui, je pense que ce site n'existerait plus. Il fallait le faire, hein. Il fallait, à l'époque, avoir l'autorisation de tous les propriétaires du fin ministère. Propriétaires individuels, bailleurs sociaux, etc. Voilà, et en 2014, on verra l'ensemble de la réalisation qui, pour le moment, a été tranche par tranche. Bernard Echen, avec votre associé Philippe Robert, vous êtes les premiers à vous intéresser à la fin des années 70, début des années 1980, à la friche industrielle, que vous, architecte, vous allez regarder un petit peu d'une autre manière et vous allez réfléchir à sa reconversion. Ouais, on s'est intéressé à ce patrimoine au travers des exemples anglo-saxons. Donc on avait la connaissance de Canary Wharf, on avait la connaissance des Docklands à Londres, etc. Donc c'était un sujet qui nous intéressait. Et puis, on a été invité par hasard au premier concours qui n'ait jamais été lancé sur ce sujet, qui était l'usine Leblanc à Lille. On l'a gagné et en 5 ans, on est devenu spécialiste, entre guillemets. Alors cette usine Leblanc, est-ce que vous pourriez un petit peu préciser ? À cette époque, on a vécu un phénomène dont on peut se souvenir aisément, qui s'appelait les premières délocalisations. Donc le textile, tout d'un coup, allait s'installer dans d'autres pays. Et donc, des grandes filatures du 19e siècle, on appelait les usines Château-Fort, sont devenues libres et donc leur démolition ou leur réutilisation s'est posée. Énormément ont été détruites. C'est-à-dire que ce qu'on dit peut-être pas assez, c'est que la démolition a été considérable à cette époque. Mais après, il y avait quelques bâtiments dans des positions urbaines intéressantes qui ont fait l'objet d'études un petit peu plus poussées et qui ont été prises en main par des personnalités qui se sont dit « tiens, pourquoi pas les reconvertir voilà. ». Donc cette immense nef n'avait pas d'autre solution pour survivre que le logement social. Et donc on a gagné ce concours, on l'a réalisé avec l'office HLM de Lille, avec Régis Caillot qui était son président à l'époque. Et ça a été une aventure un peu exceptionnelle parce qu'on a découvert beaucoup de paramètres qu'on n'avait pas identifiés au départ. C'est que quand l'espace est une donnée, la fonction est une variable. Et donc on est instantanément sorti de l'esprit modélisateur de l'époque, du fonctionnalisme habituel. On a offert des espaces beaucoup plus généreux, beaucoup plus grands, des typologies différentes. Et donc ça a été toute une gamme de logements qui ont participé, au moins dans le mouvement social, à l'invention de l'esprit du loft. Alors dans l'architecture industrielle, il y a une gamme entière. Il y a des chaufferies, il y a des halles, il y a des halles servantes, des halles principales, il y a des halles ensuite à perte de vue, il y a des ponts roulants. Donc tout ça, c'est un paysage énorme. Le haut fourneau est évidemment un objet unique dans cette histoire parce qu'il regroupe un peu tout à la fois. Mais lui, il est conçu totalement autour du process. C'est-à-dire, ce n'est pas une halle qui abrite un haut fourneau, c'est un haut fourneau tout seul dans lequel il y a des espaces de halle pour certaines fonctions. Donc ça, c'est des patrimoines paradoxaux parce qu'on ne peut les inscrire, les classer ou les protéger que par rapport à leur fonction d'origine. Et là, il y a un mouvement, puisqu'on a été à l'origine, par les études qu'on avait faites du classement du haut fourneau H4 à Uckange, mais il a été classé comme objet unique. Et on a démoli tout ce qu'il y avait autour. Alors que nous, à l'époque, on avait la vision allemande, c'est-à-dire protégée dans son intégralité, mais selon un processus que les Allemands appellent le patrimoine en mouvement, c'est-à-dire qu'on accepte la ruine, en clair. C'est-à-dire on accepte de protéger des choses qui vont tendre vers la ruine. Nous, au titre de l'objet unique, on n'a pas ce mental. Il y a eu des périodes, hein, Hubert Robert, où la ruine magique a eu un petit effet romantique, mais globalement, on est toujours dans le tout ou rien. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas des bâtiments qui se fondent dans le paysage, si je peux dire, qui sont naturalisés ou rendus à la nature. Il y a toujours de bonnes raisons de sécurité ou autres qui font que ces bâtiments sont mis à plat ou démolis, alors qu'en Allemagne, le site de Feuchtlingen est une vraie méthodologie de protection graduée, si je peux dire, d'un territoire entier. Évidemment, ce qui a été fondamental, ça a été 81. Jacques Sallois, directeur de cabinet de Jacques Lang, demande à Jacques Valran de s'occuper d'un groupe de travail qui s'appelait Ethnologie et civilisation industrielle, dont l'une des recommandations a été la création de la cellule du patrimoine industriel, cellule préfigurée pendant un an, puis créée en 83. Je deviens responsable de cette cellule du patrimoine industriel qui va participer à la connaissance du patrimoine industriel, c'est-à-dire mettre en place des inventaires systématiques, région par région, et puis aussi des opérations un peu thématiques sur la métallurgie, c'est Jean-François Belloste qui va s'en occuper, sur les mines, sur la verrerie, la céramique, etc. En l'occurrence, lorsqu'on est à Paris, à ce qui va s'appeler la cellule du patrimoine industriel, on fait ce travail de coordination de l'inventaire de ce patrimoine. Recensement topographique, recensement ou inventaire thématique, dans une zone géographique qui a été délimitée pour sa pertinence. On a fait l'inventaire des sites hydrauliques le long d'une rivière. On a fait tout un travail aussi sur les manufactures de draps urbaines, qui ne sont pas mécanisés. Donc on a travaillé sur Elbeuf, sur Sedan. Paul Smith a pas mal encouragé le travail sur les manufactures de tabac, par exemple. Et pour ce qui me concerne, j'ai beaucoup travaillé sur l'inventaire du patrimoine sidérurgique, allant du XVIe siècle au XXe siècle. donc une histoire sidérurgique très très importante en France, puisque nous sommes en France un pays du fer, puis les Gaulois. Alors Jean-François Bellost, le patrimoine industriel entre à l'inventaire, mais au-delà de ça, il va entrer au monument historique. C'est tout à fait fondamental parce que en 85, les commissions qui instruisent à l'échelon central les demandes de protection pour en faire des monuments ou des objets classés disposent d'une section spécialisée patrimoine industriel et technique qui regroupe des gens qui travaillent traditionnellement dans le patrimoine et puis quelques spécialistes du patrimoine industriel, universitaires, architectes et autres. Et nous autres, qui travaillons à l'inventaire général, on va être souvent les rapporteurs de ces dossiers. On va pouvoir utiliser le travail fait au sein de l'inventaire général pour argumenter de la pertinence de ces protections au titre des monuments historiques. C'est un avis qui est donné, ensuite le ministre le signe, qui permet de faire que ces bâtiments deviennent précisément des monuments. Alors c'est fondamental parce que c'est rentré tout d'un coup au statut du monument historique, qui est le stade un peu ultime au niveau du patrimoine, en tout cas qui assure une pérennité. Et qui dit protection, Jean-François Bellost, dit aussi financement de l'État, justement pour les restaurer à partir de ce moment-là, ou c'est pas systématique ? Alors ça, c'est la loi de 13, hein, je veux dire. Donc, selon qu'ils sont inscrits ou classés, il y a des subventions plus ou moins importantes. Il faut quand même avoir en tête que la protection au titre des monuments historiques ne déclenche pas forcément une restauration. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un processus volontaire, en quelque sorte, pour pouvoir l'entretenir, le mettre en valeur. Et dans certains cas, en effet, cette mesure un peu volontariste n'aboutit sur rien. Donc après coup, ça génère des critiques, parce que pourquoi avoir protégé quelque chose qui finalement oblige en quelque sorte à ce que ça subsiste sans qu'on fasse quelque chose. Donc plus ça se détériore, plus c'est considéré comme une verrue dans le paysage, et plus par conséquent les critiques peuvent monter. Mais en général quand même, une période un peu d'accoutumance, de deuil, et après il y a des processus plutôt positif qui s'enclenche, on se rend compte qu'on peut faire des choses qui soient positives et qu'on n'est pas uniquement dans une ambiance, disons, mortifère. Quand l'industrie devient objet de patrimoine, un documentaire de Séverine Liattard et Anne Fleury. Merci à Jean-François Bellost, Louis Bergeron, Claudine Cartier, André Desvallées, Dominique Ferriot, Yannick Le Cherbonnier, Bernard Reichen et Denis Voronoff. Merci également à Alain Morel et Bernard André. Archivina, Aurélie Marsay. Prise de son, Yann Fressy. Mixage, Jazz Antaous. Suite demain de notre semaine consacrée au patrimoine. Demain, Séverine Liattard se promènera en compagnie de Jean-Michel Legnaud et de Jérôme Belmont dans l'École nationale des chartes qui forme les conservateurs du patrimoine. Si vous voulez écouter ce documentaire ou toutes les autres émissions de La Fabrique, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.franceculture.fr. Vous pouvez également y laisser des commentaires ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de La Fabrique de l'Histoire.